Toi. Coupe à les cibles, j'ai les balles d'entraînement. On n'a jamais coupé les ponts, du moins pas complètement. Voici l'étape après l'entêtement. Tous à l'écoute, couste à les boules, on a le bon traitement. Ok, retour en 89, Seattle. Lars Ulrich a troqué ses baguettes contre un PC Apple. Et Hetfield reprend ses lyrics après 5-6 battles. À l'est, un mur tombe, l'étoile rouge avec principe incubateur. Tu veux ton thème astral pour la soirée du 17? Tu vas rencontrer Gilles.queuse. Ensuite, je peux pas te dire, c'est, disons, difficilement prédictible. S'il est irrésistible, euphémisme incroyablement réducteur. Ne sous-estime pas Scoop et Gilles.queuse. De la génération 88-2, t'as déjà craché par la fenêtre, pied au plancher? Non, t'es un scarlap tête, mais respire un peu. Ok, Scoop n'a rien à voir avec Fatman, ni une quelconque chauve-souris. Bâtard, sache-le bien, plat plus typique qui me fait bouger la tête. Je ne vois aucun bouger la sienne, Blessley, il capte rien. Scoop à les cibles, j'ai les balles d'entraînement. On n'a jamais coupé les ponts, du moins pas complètement. Voici l'étape après l'entêtement. Tous à l'écoute, couste à les boules, on a le bon traitement. On a le bon traitement, le tout à l'égout. On ne pourra jamais passer l'éponge sur tout ce qui a fait couler de l'encre. Voici l'étape après l'endettement. En même temps, les gens vont aimer. Pas sûr, hein. Je viens ni révolutionner le rap, ni raconter ma vie. Chrétien approuve et représenter ta ville. J'en ai rien à foutre, rien à foutre. Y'a pas de quoi se gargariser, à vouloir intégrer un milieu pour en devenir la honte, voire la risée. Tu vas te lascariser pour quelques centaines d'euros? Ça fait combien ça en termes de flow? Oh, I feel like in an American story. Si ça marche pas, je ferai comme tous les autres, je me reconvertirai dans la dance pourrie. Laisse courir les balles d'entraînement. On n'a jamais coupé les ponts, du moins pas complètement. Voici l'étape après l'entêtement. Tous à l'écoute, couste à les boules, on a le bon traitement. On a le bon traitement, le tout à l'égout. On ne pourra jamais passer l'éponge sur où allez-vous. Voici l'étape avant l'endettement. En même temps, les gens vont aimer. En fait, non, ça les saoule. De quoi? Non, 88-2. S'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, je m'en vais te répondre. Scoop et J.queuse doivent être très cons. 88-2. Pas point.